clips, en réécoutant tout, j'ai vu que tu faisais pas mal de. Tu vois, tu faisais beaucoup de big up, mais surtout, je te disais, la collection de t-shirts, tout ça. Ouais. Que ce soit des assos, Ouais. des artistes, des groupes. Et je voulais savoir, du coup, quel lien tu avais avec eux. Est-ce que c'est juste le fait de faire un big up juste pour faire un big up aux gens, ça aurait pu être eux, comme, je sais pas, tu me citais Josman, ou tu Ouais. vois. Ou on t'a même Est-ce que payé. c'est juste un lien de, on va dire, vas-y, je te soutiens dans ce que tu fais, donc je te big up, je Non, vais mettre ton bail. du coup non, c'est plus du coup c'est les t-shirts en fait. Tous les t-shirts que j'ai, c'est les gens que j'ai rencontrés en fait. Ok. Vas-y. Donc en fait tous les t-shirts que j'ai, c'est des gens tu connais, t'es en concert, ça sort, ça te vend un t-shirt tout ça. Et en fait c'était quasiment que du indépendant en fait dans les t-shirts que je portais. Tout ça, sale gosse, le gouffre. Donc du coup c'est tous des gens en fait qu'on suivait de très près et c'était des grosses influences aussi. Quand je faisais du old school, c'est des gens, bah la plupart des gens que j'ai vus en concert, c'est les gens que je suivais le plus, tu vois. Si. Et du coup, non, c'est même pas. Si, déjà, c'est pour le travail, parce qu'en fait, indirectement, il reflète un peu le mien, tu vois. Le leur, en fait, c'est un peu une appartenance au mien, tu vois. Et du coup, c'est des gens que j'ai rencontrés humainement, toujours des bons gars, puis c'est toujours, tu sais, en indépendance, c'était toujours. Vas-y, ça piave ensemble après les concerts, tu vois. C'est pas en mode ça reste dans les loges, ça zone, tout ça. C'était plus en mode ça se retrouvera après, tu vois. Et il y a eu des gros concerts à la Rodia, il y a eu des gros plateaux. Puis vas-y, ça péta tout de suite un t-shirt. Quand tu transpires d'un concert de quelqu'un, ça veut dire qu'il peut te vendre un t-shirt après, tu vois ce que je veux dire? C'est On n'a pas des t-shirts à Bicrave, nous, là? lourd. Parce que Bon, ça veut dire faut commencer à le faire transpirer, mon gars. Fais-le transpirer, après peut-être tu t'achètes un t-shirt. Hein. Vas-y, on voit Si, après si. ça. Ok, merci pour toutes ces réponses. Là, je voulais diffuser un son que tu nous as passé aussi, le son avec Gore. Ouais. Donc Gore qui est avec nous, si j'ai bien compris, tu l'as posé hier, ou Ouais, l'avais fait hier. il sort du sud là, il est tout frais là. Il est tout On a frais. le prémix qui est déjà une bonne maquette sérieuse. Donc c'est studio ODN aussi, c'est ça? Exactement, studio l'ODN toujours. Il nous a fait un gros taf encore, comme pour tout le projet. Donc celui-là, prochain extrait du projet, on va cogner Ah, fort. celui-là va être sur le projet, Ouais, finalement. celui-là sur le projet. Vas-y, vas-y. Celui-là, réorganisation, je pense qu'il va être glissé tout de suite dessus. Est-ce que Gore, il chuchote dans le son? À Gore, il n'y a pas de chuchotement là, Il c'est chuchote pas? cisaillement de prod, mon gars. Ok, Là, on a vas-y. cisaillé la prod. Parce qu'on Ok. l'appelle le chuchoteur en ce moment, encore. Ajoutez Mike, 25 000. Ok. Ok, ajoutez Mike, Mike. 25 000. Je vais le dire. Voilà. Je vais le dire Il a avec posé un snap. le. Voilà. Faut le décodeur. Pour tous ceux qui veulent ajouter Mike, 25 000, Voilà. Snapchat, Facebook, Instagram, Voilà. Twitter, Tinder. Vas-y. On Voilà. repasse à EDRF. Donc je vais passer le son Ouais, EDRF Gore. C'est fort. quoi le titre? C'est moi-même. Moi-même. Je pense Ok. qu'on va s'accorder là-dessus. Ok, on va mettre ça à Ah, y a fond pas dans de les titre studios. officiel encore? Non. Parce que là, j'ai vu des regards, y a pas de titre Je sais officiel pas, je encore. sais pas. Allez, c'est parti, Vas-y. la 25e, show. J'ai la dalle depuis minuit, je n'avais qu'un truc en tête. Le terrain est miné, mais je mène toujours ma quête. J'ai quelquefois dérivé, normal que les darons s'inquiétaient. Je roulais ma poche dans la rue et je les rencontrais. Elle ne m'a jamais quitté sans ma wife, entre autres. Jamais de ma life je regretterai cette rencontre. Je me rappelle toujours de mes premiers pas, des mauvaises langues qui parlaient. Je leur ferme la bouche, je promets rien, mais avec le temps c'est allé. Tout le monde jette l'œil. Plus le temps de jouer. Personne va couper nos ailes. Maintenant, on flash sur la mélodie. Hermano, c'est l'envie. C'est tout pour les tiens. Et c'est tout pour les miens. Tant qu'on est ensemble, on va détruire tous les pages. Trop de faux, trop de mauvais dans les pages. Trop de comptes, j'ai trop donné pour vous connaître. Je n'ai pas lâché. Vous pensez à ma pelle et je suis pas là. Me demande pas, c'est pas la peine. Aucun de mes frères manque à la peine. Pourquoi tu fais la bête? T'es qu'une pétasse, je te regarde à peine. Là, je suis dans la tri de sa mère. Faudrait que le big ramène. On va d'ici, on veut tout ça gros salaire. Bon, fait de tes belles salaires. Je me demande pas, c'est pas la peine. Aucun des frères manque à la peine. Pourquoi tu fais la bête? T'es qu'une pétasse, je te regarde à peine. Pour m'en sortir, je fais des efforts. Mais toujours. jour j'aurais été moi-même. Maintenant je me laisse porter par le vent, et on verra bien où la tempête m'emmène. Je grattais ma vie quand tu traînais en boîte, j'avais rien à faire, rien à foutre, rien à branler. J'avais trop les nerfs pour me mélanger, je traîne pas dans vos soirées, une t'es fini branlé. Puis que j'ai commencé, je veux laisser mes traces. J'avais besoin de ça pour oublier le stress. J'ai jamais visé les paillettes et les traces. Je marquais tout le monde des pouvoirs effacer le reste. Rien sans ça, j'ai fait ce projet, mais rien n'a changé. Toujours dans le même bat, j'entends toujours les voix, ça marchandait. Regarde bien nos vies, fallait faire des efforts. Après quelques KO, apprendre à rester fort. Le combat que j'ai perdu, je me suis pas laissé faire. Peu importe le but, je me donne depuis des scores. Y'a plus de valeur pour des followers, certains vendraient leur cul. Quand tu crois tout savoir, apprends à démerder, je vais pas dans les études. Prends de con, j'ai juré que jamais j'oublierai d'où je viens. Ce que j'ai enduré pour remonter la pente. Pas de costard pour rentrer dans leur galage, ride dans la ville chaque soir, c'est les rues qu'on arpente. J'aimerais me tailler, tailler, j'entends brailler, ça y est, si tout le monde veut être Savastano. Et ces autres répètent la routine aussi, y'a que le 1er janvier que je dis ça va cette année. Et quand j'y repense, les dés sont lancés, c'est pour ça qu'on va provoquer nos chances. J'attends rien de personne, veut fracasser les audiences, passe le micro, rebat ton concours d'éloquence. Me demande pas, c'est pas la peine, aucun de mes frères manque à l'appel. Pourquoi tu fais la bête, t'es qu'une pétage, te regarde à peine. Là je suis dans la street sa mère, faudrait que le beat se ramène. On va d'ici, on veut tout ça gros salaire, bon fait de tes peines salaires. Je me demande pas, c'est pas la peine, aucun de mes frères manque à l'appel. Pourquoi tu fais la bête, t'es qu'une pétage, te regarde à peine. Pour m'en sortir, je fais des efforts, mais toujours j'aurai d'être moi-même. Maintenant je me laisse porter par le vent, et gros on verra bien où la tempête m'emmène. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ouais. Vous êtes toujours dans la 25ème, 22h minuit. Émission spéciale EDRF. Pal. Il y a plein de gens dedans, devant, au-dessus. Je sais pas, il a ramené tout le monde, je sais pas ce qui se passe. Pal. Ok, bon. On va passer. Moi, j'ai un petit truc, j'ai envie de tester EDRF. Excellent. EDRF, t'as, je l'ai bien dit. Ouais, tu l'as bien dit, pas écorcé. EDRF. J'ai envie de te tester un peu des tests de. Comment on appelle ça ? Un test. Il n'y a que toi qui sais. Voilà, c'est un test. Non, je vais te passer 4 extraits de son. Vas-y. Tu dois me dire qui c'est qui rappe. Vas-y, justement. Au calme. Et si t'en as 3 sur 4, non, 2 sur 4, tu gagnes 2 packs Shisha de Shaolin. Excellent. 3 sur 4. Qui est déjà vendu. Je tiens à le souligner. Bon, bref, on va trouver le bouc. Vas-y, on retrouve le bouc. On reprend le bac. Et c'est un 4 sur 4 menu chez notre partenaire qui s'appelle Snack Food. Voilà. Excellent. Vas-y, t'es prêt ou quoi? Vas-y, je suis prêt au calme. Vas-y, on commence par le premier son. Hop, bouge pas. Je retrouve ça. Jeunesse à la technique, c'est compliqué. Tu ouais, vois. T'inquiète, on va retrouver ça. Allez. Si à tes rages, je vais leur rappeler la règle. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est de la merde, bouffon. Jazzy Baz. Facile, ouais. Jazzy Baz. Ouais, hein. Mais cool. Facile. Je suis un mec cool, moi, j'ai dit, de toute façon. Je me fais agresser, là, par Bridou. Yes, gars. Ok. On passe sur le poisson. T'en es un. Alcotest à l'entrée, vous pouvez pas. Ok, bien vu. On passe sur le deuxième son. Vas-y. Tes plus grand-mères disaient toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort et vivre relève de l'exploit. C'est James. Kenny Arcana. Excellent, j'hésitais. C'est ça? C'était ça? C'est Kenny Arcana. Ok. Bah, il m'a parlé de James, donc là. C'est une raclée, frère. Il a dit quoi en premier? Il m'a dit James. Donc là, ça veut dire que tu concours pour le pack chicha. Pour le pack, hein. Mmh. On dirait. Pour la bédave. Tu concours pour le pack. Tu peux baisser le son de la radio à côté, il n'y a personne qui... On va passer sur le troisième extrait. Très facile. Vas-y. Si à tes rages, je vais leur rappeler la règle, c'est pas parce... Non, erreur. Ah, c'est bon. C'est bon. Il veut le prendre. Allez, c'est bon, c'est celui-là. Wesh mon pote, on n'est pas de mèche mon pote, je t'ai pas connu quand j'étais en déche mon pote. Ça. Je crois que j'ai fait sa première partie, mais je suis pas sûr. Ah, ça, c'est de la réponse. Je sais pas. Jounes Bouffon. Ok, c'est qui? Ça, c'est Josman. Et le titre? DOS. On est là, hein. Ouais. Vas-y, allez, on part sur le dernier son. Tu le découvres, t'as le pack chicha. Vas-y. Ça c'est pas la voix. Mais... Ok, bravo. Tu as le pack chicha de Shaolin, on va le retrouver mon pote. Tu l'as vendu à qui gros? Voilà. Et merci Balavoine. Hein. Et merci Balavoine, le pack chicha, le pack snack food, tout est inclus. Tout est carré. Vas-y excellent, on attend ça. On attend la fin de l'émission. Et la paire de lunettes de Lio Favela. Aïe. Pour les prochains peu clips. Ça passe crème. Ok, bon. On va passer dans la partie vraiment rap pratique, si. Tu vois. On s'est amusé un petit peu la semaine dernière. Bon, on a trouvé le concept sympa. Donc on va tester un petit peu avec vas-y, toi. Vas-y. Le concept, c'est la rime facile. La rime facile. Donc je t'explique. On a des mots qu'on va t'imposer. Waouh. Ah, j'espère que tu as quelque chose pour écrire. Moi, de toute façon, j'ai. De toute façon, tu peux pas fuir, en fait. Un stylo. On a des mots... On a 10 mots exactement à intégrer dans un texte. Vas-y. On va diffuser un morceau. Donc, si je me trompe pas, c'est le morceau avec Sinza. Ouais, c'est Orage. Ouais. Qui va sortir bientôt, là, du coup, le clip dans 3 semaines. Ah, c'est le clip de Sol. Ouais, c'est le clip. Okay. Exactement. Attends, excuse-moi, Sinza, derrière toi, il y a quelqu'un qui fait des gestes. C'est Sinza, hein, c'est lui. Hein. Ouais, Sinza. La teinture blonde, c'est lui. Ouais, bon, écoute. Je vais diffuser le morceau. Vas-y. Pendant la diffusion du morceau, je sais pas combien de temps. Ouais, il dure presque 4 minutes. Mmh. En gros, tu auras 4 minutes pour écrire un petit texte. Ça peut être. Vous mettez en l'air, les gars. Ça peut être 2 mesures, ça peut être 3 mesures, ça peut être 4 mesures. Tu fais comme tu veux. Vas-y. C'est a cappella. Ou alors, si vraiment t'es chaud, je te mets une instru. Tu débites ton petit texte que tu viens d'écrire. Vas-y. Ça, c'est toi qui sens. Donc, prends un stylo. C'est bon, on est équipé. On est paré. Note les mots. Vas-y, mots, paré. C'est très simple. C'est encre. En fait, les mots, je les ai tirés de tes titres. De mes sons. De tes titres de clips, tu vois. Excellent. Donc, il y a encre. Il y a pourquoi. Si. Il y a temps. Ailleurs. Ouais. 13. Bien. Attends. T'en es où, là? J'ai l'impression bien, que là. Là, je suis à bien. Je fais une dictée avec des CP. Bien. Et après, tout le reste, c'est un peu ce que je voyais dans tes peuclis, tu vois, et puis ce qui m'inspirait quand j'écoutais tes sons, tu vois. Bon, il y a T-shirt, évidemment. SLF. Si. Concert. Et ouais, Boom Bap. Ouais, il y a 30 mots, mon gars. Il y en a 10, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le mot bonus, c'est claquette. Mot bonus, c'est claquette. Celui-là, si tu le places... Snack food royal. Royal. Vas-y. Week-end tout frais payé chez. On va essayer de faire Jules. Ça, hein, là, c'est chaud. Si, il y a 10 mots, mon gars. 11. Claquette. 11 mots en plus. Si tu places le claquette, là, c'est Fatal Fury. Là, c'est... Vas-y, on va ça tester. Part, hein. On va faire ça comme on peut. Hein. Un week-end de snack food. Donc, ce qu'on va faire. Interro surprise. Ce qu'on va faire, je passe le son EDRF Sinza Orage. Ouais. Je diffuse le son tranquillement. Quand le son termine. Tu fais ton a cappella ou ton petit freestyle. Et après, on passe dans la partie freestyle. Après le freestyle, moi, j'ai des sons à diffuser. Donc, tout dépend de combien de temps dure le freestyle. Vas-y, si ça dure 40 minutes, ça durera 40 minutes. Si ça dure 5 minutes, ça durera 5 minutes. Il y a du monde dans les studios, je pense. Yes. Ça ok. Cool. Donc, je passe le son EDRF. Ça, c'est Balavoine, ça. Ah, il revient, il veut. Il revient, il est de retour. Il veut Balavoine nous hante. Donc, le titre, c'est Orage. Tu m'as dit que ça sortait quand, du coup? Ça sort dans 3 semaines, là, dans gros clip. Okay. On a mis une patte un peu différente. Yes. Vous allez voir. Ok. Patte au thon. Pendant ce temps-là, tu vas écrire tes petits bails. Si tu veux te mettre à côté, au calme, tu fais comme tu veux. T'inquiète. Yes. C'est le coup de foudre m'a foudroyé. T'inquiète, on a déjà tout noyé. Je veux avancer, mais avec elle fait tout noyer. J'y crois plus. J'ai que ça en tête et je pense à elle. Mais j'y crois plus. J'entends l'orage, le ciel se couvre. J'attends l'oracle, les secours. J'ai mes raisons que la raison ne connaît pas. Chercher à éviter les secousses. Je suis dans la tempête perdue. Je suis ce temps qui perdure. J'ai essayé d'oublier dans le ciel. Je le vois toujours briller, c'est hyper dur. Pourtant, je suis devenu tout ce que je je voulais pas être. Révolté, on a tout retourné par haine. La tête est haute, le sourire relève juste pour pouvoir montrer ce qu'on voulait laisser paraître. Pocantas comme partenaire, j'ai fait des promesses que je pouvais pas tenir. Depuis, ses larmes ont coulé sur le parterre. Y'avait plus rien pour me retenir, j'ai dû partir. Faut que je fasse le nécessaire avant de trouver le sommeil. Gagner la paix par la guerre, peu importe ce que ça coûte. Le passé se délie, les murs ont des oreilles. Si seulement les bruits parlent, mais ça j'en doute. Du sang, pour le marché noir. Du cran pour faire valoir. Le temps, c'est de l'argent. T'inquiète, les dégâts ne seront qu'un accessoire. Je sais pas comment vivre, dans un drôle de mood, je sais pas comment dire. Non, j'ai pas pu raisonner, j'ai rien commandé. Désolé, j'ai zoné complètement ivre. Mais crois-moi, je peux te promettre, je suis pas comme eux. Malgré ce que j'ai pu commettre, je suis pas. Je suis dans la tempête, faut que je tempère. J'entends l'orage et le coup de feu m'a foudroyé. T'inquiète, on a déjà tout noyé. Je veux avancer, mais avec elle, je vais tournoyer. J'y crois plus, en nous deux, j'y crois plus. J'ai que ça en tête et je pense à elle. Mais j'y crois, je suis dans la tempête, faut que je tempère. J'entends l'orage et le coup de feu m'a foudroyé. T'inquiète, on a déjà tout noyé. Je veux avancer, mais avec elle, je vais tournoyer. J'y crois plus, en nous deux, j'y crois plus. J'ai que ça en tête et je pense à elle. Mais j'y crois plus. Perdu entre quatre murs, à trop douter d'elle, j'ai bien douté de moi. Je vise toujours la réussite, voudrais m'y faufiler car le chemin est tout étroit. Je noie les soucis et les peines sa mère, même si tout ça me tire vers le fond. On peut tous devenir des personnes de confiance, mais au final, trigger le fond. Je peine à croire que tout ira, je vise pas le sort de la cime, moi je veux tout tirer. Je t'avoue que l'ombre a fait de moi un gars qui brillera, même si souvent le destin voulait me voir briller. Je les entends rapper et rêve que de billets, j'ai tracé ma route mais le doute y est. Faut profiter de chaque beau moment, pareil que le temps c'est de l'argent donc je vais tout piller. Je suis pas devenu qui je voulais être. À deux, je me suis perdu dans l'errance. Trop fort pour les larmes, j'ai peu de tolérance. Fais des pétales, mais la rue ne doute que des ronces. Et les années passent, peur de niquer ma vie. Je me dis qu'on sera meilleur jour, on sera calme. J'ai un tas de questions qui résonnent dans ma tête. Et y'a peu de personnes qui m'éclairent quand j'y dans ce vacarme. J'aurais bien dû être sur mes gardes. C'est pas la haine, c'est les sentiments qui nous écartent. J'attendais le wagon du bonheur à la gare. Maintenant, il faut que je trouve l'amour dans un autre gars. Ça y est, je crois plus en rien. Je perds le moral en même temps qu'elle perd ses souvenirs. Jure devant Dieu que je casserai l'écouteur pour elle, si fière. Car rien que ses yeux pour me soutenir. J'entends l'orage et le coup de feu m'a foudroyé. T'inquiète, on a déjà tout noyé. Je veux avancer, mais avec elle, je vais tournoyer. J'y crois plus, en nous deux, j'y crois plus. J'ai que ça en tête et je pense à elle. Mais j'y crois, je suis dans la tempête, faut que je tempère. J'entends l'orage et le coup de feu m'a foudroyé. T'inquiète, on a déjà tout noyé. Je veux avancer, mais avec elle, je vais tournoyer. J'y crois plus, en nous deux, j'y crois plus. J'ai que ça en tête et je pense à elle. Mais j'y crois, je suis dans la tempête, faut que je tempère. J'entends l'orage et le coup de feu m'a foudroyé. T'inquiète, on a déjà tout noyé. Je veux avancer, mais avec elle, fait que tournoyer. J'y crois plus. J'y crois plus. J'ai que ça en tête et je pense à elle. Mais j'y crois plus. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ok, c'est Ciao, Jounes. On est dans la 25e, 22h, minuit. Il est exactement 23h18. Les masques vont tomber. J'ai vu des ghostwriters. J'ai vu des gens qui écrivaient pour EDRF. Des grandes légendes. On est toujours là avec EDRF pour son émission spéciale aujourd'hui. Ouais. Écoute, je vais rappeler le jeu, du coup, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui arrivent comme ça en cours de route. Donc, on vient de diffuser un morceau. Pendant la diffusion du morceau, il avait un petit texte à écrire avec 10 mots qu'on lui a imposés. Donc là, il était en mode écriture vraiment pendant 4 minutes. 3 minutes 45, ouais. Ouais, exactement. C'est exactement ça en plus. Et du coup, bah après, c'est à toi de choisir. Hein, si t'as envie de, je sais pas, si t'as envie que je te balance une prod et que tu fasses ton bail, non, tu peux. Non, même pas à capella. Hein. Vas-y. Hein, ah, c'est trop chaud là, tu m'as donné trop de mots. Ah, bah mon gars. Ah. C'est le jeu. Hein, ah, c'est chaud. Jeu. Faut voir si tu veux ton snack food royal, gros. Ah, gars. Bah, de toute façon, là, il me reste 5 mots à placer en impro, donc ça va être tendu. Hein. Ok. Vas-y, on fait ça. Vas-y. Attends, bouge quand pas. Tu veux. EDRF dans la 25e, la rime facile, c'est parti. Get, moi, je suis qu'un putain de cancre. C'est tard que je rentre. Tu me connais, je frappe depuis l'époque de sang d'encre. Tu me demandes, je me dis t'es où toi? Et je fous droit, gros c'est la devise, pas ailleurs. J'ai pas d'heure et quand on me taille, je suis à l'heure. Je suis le 13 de Villeurbanne, 6-9, pas de Marseille. On marcelle, je fais ça bien. Je vais fracasser la concu, j'ai pas de frein. Toujours avec mon t-shirt, un petit ref. Gère plus de scènes que de petites meufs. Gros, c'est la devise. On va tout placer en impro. Tu reconnais à chaque fois en concert, je suis pas un pro. Check, à chaque fois, j'avance toujours avec mon SLF. Gros, tu sais bien que tous mes gars, c'est les fesses qu'ils aiment. À chaque fois, on frappe fort. Gros, c'est pas du boom bap. T'es où? Je guette. Gros, pas de concu. Mais tu te demandes, c'est où que je frappe? Je vais placer le dernier mot. Pareil que c'est claquette. Tu reconnais, tu me suis depuis l'époque où je portais des casquettes. Oh, okay. La rime facile. Ça bégaye fort. On va appeler ça bégaye. Maintenant, t'es bien chaud. On va partir dans la partie freestyle, mon gars. C'est parti. Fort. EDRF, émission spéciale. La 25e. Ciao, Jounès. S'il y a du monde qui kick, faut vous rapprocher, les gars. C'est maintenant. J'ai pris des risques. Pareil que dans la vie, y'a que ça que j'aime. Très peu croient en nous. EDRF, il nous a envoyé ses prods. La 25e. C'est temps que tu lâches ta fosse sous-marin. Maintenant, j'ai tout noyé à la surface. Allez, dire aux haters que tu vois bien. Car quand moi j'avance, il faut du surplace. Calé au fond de la classe, classe sans avenir. Ils disent que ça, ça concerne. Allez parler dans mon dos, mais moi depuis mes 4 ans j'ai fait tout le bordel à chaque concert. Y'a que la rue qui m'enseigne, scène, j'ai retourné les scènes, scène. J'frappe pour viser le mille, j'ai le cœur qui saigne. J'frappe tous mes souvenirs, j'rêve que de la scène où j'frappe tous mes ennemis. Ouais. Mamé, j'm'acharde dans ce milieu de merde, j'ai fait que ta fille j'rappe mine, no open mic. J'garde mes valeurs, j'm'en fous de votre mic, j'rêve de succès pendant que rêve d'autres Nike. J'rappe ma, j'rappe ma vie, quand on paye nos erreurs aussi bien que ça vaut l'âge, t'arrive. J'ai peut-être pas l'argent des Qataris, mais j'mettrai sur notre victoire, ça y a pas de pari. Par ici, l'argent nous manipule, les médias nous mentent et j'me demande quand ça cessera. Faut école, que ça fessera, on a peur que du diable. Devant les codes, non, on serait pas moi. Je serais pas dosier, je vais rentrer mes proches. J'ai une cote de 0 code 10. Maintenant, t'as ta mise. Ma vraie valeur n'est pas dans mes poches. Décroche des pelles pour les mettre tous au tatami. A ta dame, mourir du solitaire. Trahi, fais sortir mes projets. Ils vont pas en croire. C'est EDRF et Célèbre Crew 2019. Besançon, oui, crap, Paris, merci, au revoir. Aïe. Ouais, ouais, la 25ème. EDRF dans la maison. On est là ou pas, c'est comment? Y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. Je switch, je switch, je switch. Bang. Ouais, ouais. Edinho dans la maison. EDRF, EDRF. Edinho, c'est comment? EDRF, Montre-leur. EDRF, Ouais, on est là pour le frérot EDRF. La 25ème fois. On est ensemble. Show. Check, check, J'ai voulu rapper, J'ai voulu rapper, J'ai voulu rapper, J'ai voulu rapper, Edinho, J'ai voulu rapper, J'ai pris le mic, Éviter les traîtres, Et puis la bac, J'ai arrêté les cours après le bac, Je vais faire tapiner des rappeurs comme des Mac, Dans le hall mon frère. Écoule les sang, j'ai tous les jours à la grade, j'essayais de le raisonner. Les condés sont descendus et l'ont embarqué. Il a fini en GAV direct déféré au parquet. Et je parle des miens, ouais c'est ma signature. Je prends note de mon passé, Igo, y'a trop de ratures. Bah ouais. 3 ou 4 têtes cramées posées dans la voiture. Dans la voiture. Les flics ont cramé direct, ils entament la filature. J'suis là sur la radio, émission la 25ème, animée par Chao. Chao, Chao, on laisse pas en hesse. Y'a ses acolytes et y'a son collègue Jounès. EDRF, check. EDRF, check. EDRF, check. Ouais, ouais. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. Construire un projet, c'était ça le thème. J'ai pris des risques, j'ai mis de l'argent. Ouais, pareil que dans la vie, y'a que ça que j'aime. Très peu croient en nous. Mais c'est pas grave, ils trouveront des excuses. Mais en attendant, je mets mon vêture. Je me pose à ta question car dans la vie, j'aime bien être dur. Demande à mes uns, j'ai grandi les croix serrées. J'ai plus rien à perdre, toujours pas changé de mentalité. Pas d'amour dans ma tête, y'a que le bien et le mal qui font la paire. Ah ah, qu'en passe, la monde est haut. Kamas dans le ciel, je vais monter haut. J'aurais que changerai ma vie, la pression d'avancer quand je rentre sur les champs avec tes hauts. J'ai pris des risques, j'y ai mis du cran, mais ça suffit pas le talent. Hey, j'sais qu'un appui, je prends du galon, mais je suis plus moi-même. Mon caractère me dit pas m'étaler. J'ai compris que je partais de rien, j'allais chez la chaîne alors j'avais même pas l'abonnement. Ironie du sort, issue de cours, je me dis que pour le Z, je le ferai bonnement. Ouais, ouais. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. La 25ème. Les deux S, vas-y, mon gars. Fais ça. Ouais, ouais. Fais ça. Je remplis le revêt comme la valise. T'écoutes ceux qui parlent qui me salissent. Avec mes gars, on est ceux qui agissent. Agissent. Sourire comme un chien, le taf est pour la police. Genre de mes 23 piteuses, j'ai plus de pitié sauf pour ceux qui m'ont donné le biberon. Faut que j'entame les glorieuses. Le reste est mes fâches comme ta sacoche Vuitton. Il a des bras, fait le King Kong. Mais on a la bonne technique pour Ray. On t'efface comme un petit pont avec la hand de Kim Jong. Calmez-le. Je prends les devants, je vais regarder le cimetière. Pour de vrai, calmez-le. Chaque été, je me demande si on passera tous l'hiver. Ouais. Désolé d'être franc, je fais mes projets en speed. Ouais, ouais. Petit taf fait comme les grands, pour ça que t'as pas grandi. Ouais, ouais. J'ai quelques billets de banque planqués dans le jean. J'ai arrangé quelques gens, on m'a traité de bandit. Tout seul au mic, je me défends. En bouche, une fée pleine de chants. Ouais. C'est bien de rapper dans les temps. Ouais. Mais c'est mieux quand ça a du sens. Ouais. Décevant comme l'humain, tu ouais. coûteras ta perte en ne pensant qu'à toi. Ouais. Tes beaux frères se coûtent sur une main, tes ouais. amis sur les phalanges d'un doigt. Ouais. Hey. La 25ème, on est là ou pas? 22h minuit. Aïe aïe aïe. 22h minuit. Vas-y, le S, je prends le compris. EDRF ce soir. In the building, man. Edinho. Session freestyle. Soso. Dans la maison. Soso. Aïe aïe. Soso. Ouais, ouais. Soso, vas-y, hein. Je connais pas la vie de château. La haine, j'y ai pas échappé. Je vais pas les El Chapo, je vais la baiser sans la tchatcher. Arbi des Z, c'est pas les muchachos. Je connais sa head, sa bouche, sa glotte. Sors le pèse et les cas, sa folle. J'y fuis sa mère si elle fait la folle. J'ai vendu le tag, j'ai esquivé la fouille. Et quand y'a foyer, on cherche la faille. Je fume la forte aux effets néfastes. J'attends encore que mes péchés s'effacent. Dans 10 berges, je serai dans quel état? Si j'y passe, ils diront qu'il était temps. Ils m'ont rayonné, j'ai pas la tété. En tété, le DZ est têtu. Je suis pété, je titube. J'ai niqué ta remue, tu t'es tu. M'appelle pas la mif, mais qui es-tu? Je suis pas à la recherche de quiétude. Tu as deux doigts d'esquiver le stud. Je suis au stade. Où le tarte te tue, j'arrête ça, mais d'abord je tire une barre de plus, plus. Il faut que j'amasse un max de thunes, je mets mon masque et je leur casse le cul. Scoot ton quoi, je te passe dessus, les temps sont durs, la tension dure. Et je vois la haine qui me tend son cul. Mon son tue, c'est une balle réelle. Ce que je veux c'est mon dû, pas les miettes. Si je titube, je suis rap ta miette. J'sais qui sont les putes, qui sont les miens. Ouais. Qui ouais, sont les putes, qui sont les miens. ERDF. ERDF. Si. Edinho. Edinho. C'est comment? Ta bitch la théma sur moi t'as le démon. J'ai des refaux car plein, j'suis dans la pénombre. On le fera ensemble, on voudra juste tes mons. Y'a mes gars derrière, tapis dans mon ombre. Tout ça n'est qu'indicatif, y'a rien de significatif. On reprend du flow, je les envoie à l'hosto. Direction les soins, palliatifs. Les clients s'attendent au bon grammage. Tu lui fasses des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Comme le roi mage, comme le roi mage. EDRF prend la suite. Ouais ouais. Prends la suite, pétasse rentre dans la suite. Pull up, pull up, pull up. Vous êtes toujours dans la 25ème, 22h minuit. 23h27, c'est en train de partir en sucette. Tu l'as déjà ton texte? Vas-y, fais-le si tu veux, fais un texte, je te suis mon ref. EDRF, émission spéciale. Ciao, tu connais. Ciao, les murs du son, tu connais Edinho. Freestyle. Bien sûr. Ça c'est le crew. Ça fait. Do2S, On relève les compteurs, ouais. On relève les compteurs. Compteurs. J'acteur, menteur, suceur, on les pèse. Toute la matinée, j'ai tourné dans le bang. Sors du lourd, j'attendrai pas que tu me dises thanks. Braquer le rap serait plus rentable que se faire un brinks. La mélo, le peurin, on aime ça. La bécane, on aime ça. Le pédo, la baïda. Dans le bendo, y'a tout ça. J'ai pas attendu qu'on me sonne les cloches. Qu'est-ce que t'as fait de bien dans ta sacoche? Les dans ma poche. Tant d'amour qu'à mes proches. Par moins 3K, les sous le porche. La stup contourne pas de portier à cramer leur lampe torche. Y'a du sang sur leurs mains. L'argent sale dans le palmain. Yasmine fait la halele, c'est faire oui par Aladdin. On fait mieux, on devient pieux. Mais le vice est là en mieux. L'oseille faut le claquer, bah ouais, on l'emporte pas aux cieux. C'est réel, pas mytho, on a trop vu les gyros. Des vrais finissent en hef pour avoir vendu du pédo. Ouais, ouais. Et des rêves dans la maison. Et des rêves dans la maison. On leur montre, c'est comment? Besançon, c'est comment? Sinza dans la maison. T'es ma. T'es ma mon équipe, pas trop squatté le bitume, la rue nous a tous donné un cœur de pierre. Juré devant mes proches que je réussirais, je tiens mes promesses, donc maintenant je ne peux que le faire. Fermez-la, tu crois vraiment que je rêve du cul à Pamela? J'ai tout oublié sur scène et quand on les appelle, il faut genre qu'ils sont jamais là. Bande de la Suisse et vos artistes, mais nous sachez qu'on fera pas la même. Gardez votre équipe, y'a très peu de fierté et je n'irai pas, c'est pour ça faut que je vende la mienne. J'ai tout donné, je serais pas là si j'avais pas rendu les goûts. On faisait que boire les soirs, on était sous les toupes, j'ai liberté dans ma chambre, c'est comme sous écrou. Tourne en rond et y'a que sur scène que je me sens à ma place. Pour vous être connu, je m'en fous du million de vues tant que tu fais pour ma glace. J'ai compris que me fier à la raison me causerait du tort. Croire en l'avenir, je suis paré, moi ça me fait plus peur depuis que j'ai vu que le passé nous rendrait plus fort. Je t'avoue que j'en ai fait un tas d'efforts. Pourtant ce monde me rendait plus mal. Tout part en couille, elle passe qu'à leur forme. Maintenant les rêves des toits deviennent reine du bal. J'arrive comme une balle. Dans le fond, faut qu'ils soient préparés. Faudra de la folie pour tous ces sommets. Alors j'assume que les autres disent que je suis taré. Ouais. Le DRF, SLM Crew. Tous les rêves. On est ensemble. Attendez, les gars, on va switcher. On va mettre le petit classique. Le petit classique. Tu connais le petit classique. Ouais. On va voir si ça kiffe, les gars. Bang. Tic. Ouais. On se fait un classique, hein. Ouais. Tic. Le DRF pour faire à l'ancienne. Ouais. Le DRF pour faire à l'ancienne. Tic. Ouais. Il pensait quoi? Que décrit ma fierté pour quelques billets verts. J'ai su rester solide, mais moi cette année, faire tous les billets frères. J'attends l'avenir pied ferme, j'ai géré mes efforts. Pas déçu d'avoir touché le fond, car en remontant, j'ai resté fort. Mais fort, croire en ce qu'il y a de bon dans ce monde, à croire que tout est bon. J'oublierai pas les vagues de tristesse, même si l'eau coule sous les ponts. Partage un spiff pour me sentir ailleurs. Je voudrais me barrer d'ici, mais quand je m'exile, mes blèmes sont tirés ailleurs. D'ailleurs crois pas tout ce qu'on dit. Certains pleurent couleur du monde tout important du vice qu'on dit. Les côtés faut plus qu'on tire, plus agir sans leur matraque. On sait pas des gardiens de la paix, fois que de la haine quand tu m'attrapes. Et je t'emmerde. Ouais j'emmerde vos discours tout faits. Je vois qu'il t'a nous laisse dans la merde car on finit par y étouffer. Puis t'es peu tout fait tout flamme. Je m'en fous si ça plaît pas, t'as qu'il viendrait tout embraser. Mais quand le climat s'apaisera. Ouais. Ok. Je sais même pas où j'en suis. Est-ce que je reste ou je m'enfuis? Ou est-ce que descends, je m'enduis? Vas-y, prends ta con, je m'en fous. C'est ce qu'il est d'ailleurs qui me fait vivre. Je m'en fous, je suis dans le flou. Je vois le mal dans mes plaisirs. Comment est-ce que je peux m'apaiser? Si je pense qu'à baiser, à peser, je vais pas peser. J'ai ma buzz à peser. La baille d'a blanchi la pesette. Et tant pis si ça continue, c'est dans le vide que je me jette. J'ai peu de pèse et on m'en fiche ce que j'ai. C'est pour la mif qu'il faut que je gère. J'ai trop de vices, mon âme ne fait pas plus de G. Sors ma bite, j'ai peu de gêne. J'aurais pas réussi même si je m'appelais Eugène. Je pèse. Je les aime, un peu jeune mais âgé. De toute façon, je suis jamais âgé. Pareil que je suis moyen âgeux, ils m'ont dit ça. Ha. Et frérot, c'est du rap ça. Des aider le rap ça. Je touche ta head, je te babote. Ouais, On peut le faire. Montre-leur, c'est comment. J'ai vu des frères bloqués en bas se saouler comme des entiers. Pendant que je chargeais de punch mon barrier. Ramène-moi ton bif, je tiens les pariers. Investis sur moi, je fais sauter toutes les barrières. Profite de ta carrière. Un jour tu es le boss, le lendemain ça t'enterre. Te laisse pour mort au fond d'une carrière. Posé dans la gova, ça freestyle entre boucles. On vient étaler nos cesses, tu vois qu'on a de la foule. Fuck tous les racistes, je repars avec Marianne. Je la fais décoller en I dans une fusée Ariane. Tu n'as pas grandi comme eux, tu es en plomb dans la bouche. Je vois les petits frères palper juste pour avoir fait le chou. 2016 années de merde, un frère qui t'a séter. Ma mère souffre du cancer, le décor j'envoie l'envers. Clavi donne son revers, j'ai trop frôlé l'enfer. On accuse tous mes gars d'être des voyous et des malfrats. Pendant que les politiques pillent les ressources du Nigeria. Donc des bijoux à ta go, que la France vole au Congo. Droit de l'homme, non, on n'est pas tous égaux. Je t'aime pas tes fils de flics, y'a rien de personnel. Plus tard, tu feras partie de leur personnel. Je laisse la suite à Elio, on va se balader. Pour rien qu'on lance le débat, ça va les pas la vraie. Les années rien de chance, si ce n'est que ça sombrit l'horizon. Je reste sobre, j'ai géré. Ces aléas méritent les jambes, sans battre les noix, que je mérite le job. Demande à Jam, nos jabs, tes skins, crois pas que nos zincs sont. Mon cas hérite de kills de drogue, plus casé vite et vite dehors. Qui, c'est pas terrible, on me l'avait dit aussi. Je suis au-delà des risques où ça se fera. Le dioxyde, au lit aussi, t'avance. N'oublie pas qu'ici peut s'endormir, il me faut sortir du silence. C'est pour que j'écoute mon besoin d'or. Mardé, écoute, on peut s'entendre. Moi je me débrouille, mon vieux, je m'en sors. Les rats des gousses, on peut s'endormir. sature. On fait que ça fesser l'ossature. C'est qu'une fois tout s'enterre, c'est tu qu'on pourra apaiser nos fractures. Apprécier nos ratures, faites pas de messe basse. Au fur et à mesure, le cliché se termine. Les années passent, y'a que la poisse qui s'éternise. En tête crise et vermine. En attendant que la crise se termine, reste à l'écart, on savait pas que la triche est permise. Bah ouais. L-Y-O, hey. Favela, L-I-O, Juris, Puriste. Radio Sud, tout le monde, J'ai pas perdu le combat, j'ai pas perdu l'envie, perdu la foi, je m'en bats les couilles du monde, je crierai solo jusqu'à ce que perde ma voix, force tout ce que j'entreprends. Réussir, j'ai peu de l'enlever, par pas bagarre, tes potes s'assoient quand tous les miens viennent de se lever. Bas de l'échelle, on veut s'élever, du vide dans nos CV. Mélo, ça roule toute la nuit, j'pas pas de berline, mais ton CB. On s'est baisé la santé, on s'est détruit dans le collage. Pas eu besoin des cours d'art plastique pour apprendre à faire des collages, connard. Les temps ont changé, on se donne très peu d'amour. Les types se tuent plus au football, ils préfèrent jouer avec la mort. C'était des miens, j't'invite à bord. Je veux voir les fossés avérés. J'ai bien essayé de m'assagir, mais la haine m'a fait dravrier. Prends pas le temps, j'ai gravillé. Tu peux pas stopper l'avalanche. N'oublie pas que le poids de tes erreurs pèse lourd si tu fais la balance. Y'a rien qui stoppe ma cadence. Vos gars seront jamais à l'heure. Je les entends tous parler des mères. Très mieux de respecter la leur, moi la foi. Et je garde un doigt dans l'engrenage, en espérant de saboter le roulement. On se noie dans l'engrenage, en essayant d'aborder le courant. J'attends le breuvage, à quand j'attends, attends le sevrage. Je veux prendre le large, à quand ma chance avant le naufrage. Là j'en nous fera jamais fiance qu'on, je pense qu'on nous fera jamais aussi. Mon enfance dans le fond, c'est en famille que je lavais mon pull. Si tu savais ce qu'on sut, si les darons savaient ce qu'on sut. Même si gamin j'avais mon truc, les lendemains paraît qu'on fuit. C'est la paresse qu'on fuit, paraît qu'on n'a pas l'apparence qu'il faut. Et c'est pire avec ce qu'on fume. Imagine la cadence qu'on suit, et c'est jusqu'à ce qu'on tue. Vis-à-vis de moi ça sent le conflit. Elle goûte grâce, je consume petit à petit. Là c'est ça se complique mes gars, se conflique à la feuille. Les cartes conduites à la veille. Et je t'arbondisse à la fouille, c'est l'odeur bronchite à la peau. Béton si t'as la mieux t'as beau pépon, tu feras la queue man. T'as trop joué le con, toi dans l'engrenage. Ouais ouais. Eh hey, hey, t'as trop joué le con, toi dans l'engrenage. Ouais ouais. Et l'Y O. Léo, les puristes, tout le monde est là, tout le monde est là. On va balancer des prods, j'ai déjà un petit truc là que j'ai sorti du tiroir. Allez. EDRF, émission spéciale, la 25e, 22h minuit. Si c'est pas bon, je switch, hein. Je peux switcher. Ça t'efface pas. Big up au beatmaker qui nous envoie des instrus, les gars. Est-ce qu'il y a des textes là-dessus? Y'a pas de texte? Ah vas-y, on va du coup. Hop, une fois, en plus, c'est des chiens en fond, on a du chaud frappé là. Si, si. Non, il est chaud, gros, il a du texte à mort là. Là, y'a des petits textes. Tous les jours, je kiffe là, il a mis. Là, y'a des petits textes personnels ou quoi, les gars? Faire parler la prime. Envoyez la prime, les gars. T'es au 2S. On est ensemble. La 25ème. Radio Sud. Radio Sud. 101.8. Yann's Beats. Ouais, ouais. Somos fodis pour que vide. Je vois des gens de ma mise prendre des rides. Vite, vite, pour un pif. Déterminé, j'ai la grinta. T'as quelques amis qui sont bizarres. Jamais rêvé d'être artistar. Les plus gros traits sont ceux qui semblent le savoir se faire, c'est ceux qui nous séparent. Ouais, ouais. Chaud depuis le départ, merde. Vise le but sur corner. Je gratte en moins d'un quart d'heure. Tu fais plus de vues, mais pas mieux. Tu peux juger, mais pas te réfugier. Le studio à la messe se transforme en QG. On est rusé et pas près dessus. C'est le suppos, c'est le texte, tu sais déjà où le mettre. Wouh! Eh, DRF. Eh, c'est les fous. Eh, c'est comment? 101.8. Check. Eh, eh. Crois pas que je rêverais de me barrer d'ici. Et l'état se plaint qu'on est le sang glacé. Marre d'entendre l'icre à 3h du mat. Quand les codés débarquent pour calmer le voisin qui prend de l'AC. Mais Dieu merci, j'ai mes projets. Et toute mon équipe qui est là pour y croire. Nique tes followers, qu'on sert avec Jossman. Tous ceux qui me soutiennent étaient là pour m'y voir. Je fais grimper le thermostat comme Chao. T'inquiète, ici les gars, va son sérieux. Ils nous ferment les portes au casse et serrure. Le taf est propre, mais faire du sale pareil que c'est mieux. Je vous emmerde. Vos critiques ne me mèneront nulle part. Je préfère rester moi-même plutôt que d'opérer comme la plupart. Tu sais pas d'où je viens à 6 mois, les poumons noircis par les usines en face de chez moi. Je suis parti d'en bas, je lutterai pour le top mentalité. HLM, y'a pas d'autre schéma. A 200 Mathéo passe à 6ème, Buzak Drossi, ça fait pas tant de route. Je sais qui sont mes frères, je sais qui sont les vrais, mais plus temps passé, je vois que les certitudes partent en doute. Scoute la passion, mais mon cœur est froid, y'a peu de choses à faire. Et si t'aimes le luxe et que t'aimes l'argent, baby, toi et moi, ça fera pas l'affaire. Non. Je pense à Lio qui m'a dit fais confiance à personne car tout est faussé. T'inquiète frérot, j'avance qu'avec les vrais, je compte bien laisser mes traces en même temps que je vais les effacer. Ouvre les yeux, éteins ta télé. Sors dehors, contemple le monde. On m'a dit que la vie était un combat, donc faut être paré quand sonne le gong. T'as bossé toute ta vie pour une retraite qui pourra mais pas acheter ton loyer. Couler noyé sous les dettes, tu finis cagoulé comme un fou allié. Les cicatrices sont maquillées, les petites latins sont matricées. Y'a le pose sur le terrain, t'as glissé, tu finis armé sous la visière, tout est schématisé. Tout est schématisé, ouais. Mais c'est pas grave, moi je repars en impro. Tu me connais, S.H.A.O. Y'a Jounes qui est en train de rigoler. C'est pas grave, j'ai un peu picolé. Et puis s'il peut prendre le MIC, il va pas le faire, tu sais comment on le fait. Tu sais comment on le fait. Invitation à boxer le mic. Tu sais comment c'est l'enfer. Bientôt commence à poser nos 16 dans le studio. Tu sais que quand j'arrive, je prends le micro, je suis studieux. Je vais faire mes petits 16 mesures et je fais des envieux. Mais mec. Wouh, wouh. Les gars. Là faut chauffer gore hein, je crois. Je crois que soit faut chauffer les gens, soit on va diffuser les sons hein. Vas-y, mais faut chauffer gore. Comment balance des prods, comment? On a encore du jus, balance sale. J'ai pas beaucoup de prods les gars. Remets les mêmes. Remets celle pour les gens. Si si. Voilà, on a ouais, ouais. Le DRF. La 25ème DRF dans la maison. Ouais. Pour tous les refs. C'est nerf. Guise. Et c'est l'EF Crew. Eh. Moi. Eh. Moi, je grattais ma vie quand tu traînais en boîte. J'avais rien à faire, rien à foutre, rien à branler. J'avais trop les nerfs pour me mélanger. Je traîne pas dans vos soirées, une tête finie et branlée. Vu que j'ai commencé, je veux laisser mes traces. J'avais besoin de ça pour oublier le stress. J'ai jamais visé les paillettes et les straps. J'ai marqué tout le monde des pouvoirs et passer le reste. Rien de sans ça, c'est plus de projet, mais rien n'a changé. Toujours dans le même bac, j'entends toujours les voix, ça marchandait. Hey, regarde bien nos vies, fallait faire des efforts. Après quelques KO, apprendre à rester fort. Du combat que j'ai perdu, je me suis pas laissé faire. Peu importe le but, je me donne de péter score. Y'a plus de valeur pour des followers, ça t'a montré leur cul. Toi, tu crois tout savoir, un pantasse démerdé, je vais pas dans les études. Depuis le début, je compte toutes les batailles. Pareil, depuis 2014, je suis bataille. Espèce de con, tu crois quoi que parce que j'en parle pas, j'ai jamais touché à la détail. Taillé, taillé, taillé. J'entends brailler, ça y est, ici tout le monde fait ça va stano. Les saisons se répètent, la routine aussi. Y'a que le 1er janvier qui dit ça va stagner. Et quand j'y repense, les dés sont lancés. C'est pour ça qu'on va provoquer nos chances. Attends rien de faire, ne veut fracasser les audiences. Passe le micro, remballe ton concours d'éloquence. Bah. Ouais, ouais. Okay. Remballe ton concours d'éloquence. Remballe ton concours d'éloquence. Ton concours d'éloquence. Ton concours d'éloquence. Ouais ouais. Ton concours d'éloquence. ERDF. J'suis peut-être te bêter, tu mets tes doigts. J'pèse des tepus, je mets des doigts. Pour le pèse le luc, je vais ken les lois. Pour lui casser le cul, je prends de l'élan. J'ai mis peut-être dans beaucoup de cello. Je rentre chez ma mère après le coup de pélo. J'baisse la casquette quand je sors du délo. On s'empête d'un tel de ce café l'autre. Je connais la mélo, je les ai pas calculés. Je peux te manipuler, même mal luné. Je vais t'arranger, mais je vais t'allumer. Je garde ma beubare pour Halloween. Garba m'a dit I love you. Je lui ai répondu I love me. Ok, ok. Elle okay. Est coquine quand elle est coquée. Elle va pomper, elle s'est mis pompette. Je vais la soulever, les baiser, les dompter. Me péter sous dompté, pas compter. J'ai bibi RCC, connais les soucis à côté. Si ça part en guerre, tu verras les zizis atrophiés. Je suis pas trop fier, on se rassure, fait de nos échecs des trophées. Je suis pas trop stressé, bientôt pour se détendre. C'est la détente qu'il faut briser. Le temps passé, j'ai pas progressé. Je pense à nos frères oppressés sous pression. Et je m'en bats avec que couler le son. J'ai des envies de hagra de faire couler le sang. Et toute ma vie je serai full méfiant. On fait du sale, on connaît l'effet des stupéfiants. Stupéfiants, stupéfiants. J'ai fait moi en commande, hey, une tasse piquée en volant. Elle me dit ça comment, aucun commentaire. Elle commence en avalant. Je lui apprends comment se taire, comment se tard la soirée. On commence tard, hey, hey. On arrive, on va se laver les verres. Ouais, on va croquer le mic. Même si on ne s'est pas couché la veille. Frère, frère, on fait le taf sur scène comme des guerriers. La musique pour nous lier. Mental de guerrier. Prêt pour la guérilla. On excelle, tu sais que c'est fat. Amène l'épée, c'est tâche. Déverse mes vers, cette page. M'exerce, c'est létal. Les mecs s'étalent, mais je sais que c'est rien. Je vois tout et je sais que c'est naze. Reste le même qu'à mes débuts. Mais maintenant, je suis moins débile. Faut que je laisse des traces, gros. Faut que je devienne un délébile. Ah! Bye bye, bang. Bye bye, bang. Gore, dans la maison. Merci. EDRF. Merci, Gore. L'émission spéciale ce soir. 23h44 exactement. Ya ya. Eh, eh, L-Y-O. Ya. Puriste. Si je m'invite dans ta fête, c'est pour viscer les losses. Je gars mystère et glow qui s'imbite devant la fenêtre. Je vois la misère et clore, je mets trop de temps pour l'admettre. Je navigue à l'aveuglette entre abysser les halls. Ma visée, les poches, mon avis, c'est mes. J'ai trop vu glisser des rôles, donc j'applique des méthodes pas apprises à l'école. J'économiserai mes forces. Sodomise les féroces, laisse-les s'autoniquer, sauter du tourniquet, c'est un porno de précoce. On va coller des gauches, mon gars, pour ton ticket. Sois pas timide, approche. Ouais, ouais. Je suis pas timide, approche. Sois pas timide, approche. Eh. Sois pas timide, approche. Eh, eh. Ouais, ouais. Je prends ça, vas-y. Je suis chaud là, on dirait pas ciao, comme ça. Ciao, mais... ciao, ciao. Ciao. Hey. Ouais. Y'a plus de petits, y'a plus de grands. Non. Tout le monde est pressé, y'a plus de temps. Non. Faire du peur, c'est plus comme avant. Des tonnes de rappeurs, mais y'a plus de sens. Je suis tout seul dans ma bulle, je rends pas les, je me fais la belle. Crois-moi ici, on perd la boule. Le titre du mois, Rayo, j'attends la paix. Je suis dans ma caisse, je vais au taf. Ouais, tout ouais. Le week-end, ce n'est que la veille. Par mon adresse, rien n'a changé. Je leur tends la main si on peut s'arranger. Hein, rien n'est plus comme avant. Comment s'en sortir, poteau sans la vendre. Tant que t'as grandi, quand c'est sans l'argent. Je fais pas ça pour des vues, moi je vais kicker plier la prod jusqu'à la dernière minute. T'as pas de buzz, t'es déçu. À t'écouter, t'as tiré, braqué ta mytho, ça c'est sûr. Né pour briller, ça c'est sûr. J't'allume, allumette avec essence dessus. J'suis le même depuis le début, à cette époque t'étais où? J'sais pas. Laisse les parler. Ah putain, je m'attendais pas à ça. Pas la prod est partie. Ça c'est le bac qui te tue. Le vice de la prod. Vas-y, on va switcher, on va switcher, on va switcher. Nous a tous kické. Elle nous a tous kické cette prod de merde. Pas là, pas là. Le DRF. Tu clôt le bail ou quoi? Vas-y, au calme. 23h45, propre. Check. Construire un projet, c'était ça le thème. J'ai pris des risques, j'ai mis du cran. Pareil que dans la vie, y'a que ça que j'aime. Bangs, très peu croire en nous. Mais c'est pas grave, ils trouveront des excuses. Mais en attendant, je mets mon vêture. Je me pose à ta question car dans la vie j'ai bien été dur. Demande à mes zingues, j'ai grandi les croix serrées. J'ai plus rien à perdre, toujours pas changé de mentalité. Pas d'amour dans ma tête, y'a que le bien et le mal qui font la paire. Barra, quand passe la montée haut. Kamas dans le ciel, je vais monter haut. Juré que je changerai ma vie, la pression d'avancer quand je rentre sur les champs avec tes hauts. J'ai rédigé, j'y ai mis du cran, mais ça suffit pas le talent. Hey, chez Canal Plus, je prends du galon. Mais je suis plus moi-même, mon caractère me dit pas m'étaler. J'ai compris que je partais de rien, j'allais chez la chaîne alors que j'avais même pas l'abonnement. Ironie du sort, oui c'est de secours. Je me dis que pour l'oseille je le ferai bonnement. Ouais ouais. EDRF dans la maison, non. Radio Sud. Ah. Nas Pacino dans la maison. Radio Sud, on est chez nous. C'est la 25ème. Ouais. C'est la 25ème. C'est la 25ème. C'est la 25ème. Ouais. C'est la 25ème. C'est la 25ème. C'est la 25ème. J'ai tellement taffé que je trouve plus de barrières. J'ai quelques gavas qui se trouvent à mes arrières. J'ai tellement taffé que je trouve plus de barrières. J'ai quelques gavas qui se trouvent à mes arrières. J'ai besoin de personnes pour me quadriller. J'étais mauvais à l'époque, mon gavas s'arrière. C'est rien, prends ma série dans les tympans. On t'avait dit que pour le taffé j'étais partant. Tu savais que j'allais les baffer, c'est flagrant. J'ai mes secrets à ma tête dans le carton. Je veux croiser, on est opé dans les starting blocks. Robin, pour me stopper, faut la Parkinson. J'ai compris, pas dans les parking sales. Sale est la partie, si on est parti, tu rêves, tu ha. Mais je fume pas de marijuana. Oh putain, tu m'as tout gainistané. La dalle comme un pakistanais. On est pas pistonné. Je crache du fuego mais j'ai pas de pistolet. Bang, bang. Wouh. Gore. Ba-na-na-na. C'est comment? Gore. Ba-na-na-na. Wow, c'est la 25ème. Ouais. On va switcher. C'est la 25ème. Vas-y, vas-y, laisse. Oui. Sinza. Ouais, okay. Ouais. Sinza. Hey. Sinza. Orage. Bientôt disponible. Y'a peu de répit dans nos vécus. On marche dans les décombrés. Y'a beaucoup de vides à combler. Que sur ma main, je peux faire compter. Les poteaux, je peux les dénombrer. Mais qui sont les vrais hombres? Alors qui va me tendre la main si un jour je finis par sombrer? J'suis pas d'humeur dealer, je vais pas me soumettre. Et tant pis si j'enfonce des portes ouvertes. Parce que j'ai déjà vu le rafut des abus des proches qui tenaient plus que tout à de la blanche ouverte. Jamais lâché mes principes pour mes honneurs. J'couperai toujours ma part en 16. Comme une balle à la EDRF, j'écris au format AK-47. Ouais. Je regarde derrière plus, j'avance en fait. Ouais. Pas plus de bruit si tu t'avances crède. Ouais. C'est comme ça, rêve pas, réveille-toi ici avec le produit qui te fera voir des arcs-en-ciel. Ouais. J'suis pas trop dans leur bail, pour ça j'ai pas trop le time. Je m'en bats les coups qui me valident. Fuck la fame, vive la maille. Eh, dans ma ville comme nulle part, ouais, je traîne habitant comme Qatari, Harry par Harry, je suis trahi par ami, peu amical, l'acquis d'un amiral, j'ai l'instinct animal, je rentre tard, je suis matinal. Une fois de plus et tu disperses, un rap de plus et tu disperses. Oh, on n'est pas méchant, juste un peu, bah ouais, on... ah, ça rase. Eh, Sinza, fort. Vas-y, hein. 23h50. EDRF. Les amis, passage à Pachino. Ouais, on est ensemble. Ça, c'est hybride, ça. EDRF, EDRF. Eh, on te l'a dit. Eh, pour tous les frères. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. 22h minuit. La 25ème. Tu vois ? Ok. Vas-y, mon. Eh, 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit, la 25ème. 22h minuit. Elle tape dans la rue, puis fait tourner la cocaine. Je me suis fait dans la douleur, no pain, no gain. Même sur le beat, on est sanglant. On le fait sans gants, on a besoin d'argent. Faut la mentale, un peu d'acharnement. Le bon comportement pour les faire autrement. Bang! Hey, j'ai tout donné pour mon squad. Hey, sur le rinté dans le stade. Hey, papy prisonnier dans un stalag. Hey, je ferai la couverture du mag. Bang. Hey, hey, je vais tellement briller, t'auras mal aux yeux. Tu te crois au-dessus de moi, vas-y fais un vœu. Je fais chanter ta bitch, c'est pour ça qu'il pleut. Avec la déter, on obtient ce qu'on veut. 40 degrés, je mets la barre haute. C'est mon plan, c'est à le barreau. La quête à 2-5, c'est le tarot. Hasba, mes frères, et ça t'arrose. Beaucoup de méga va sans fume. Beaucoup de méga font des thunes. Tu vois que toi je parle, tout ça c'est la rue. Si la je débarque, faut rester à l'affût. Tout ça c'est réel, pas faux vécu. Y'a que sur son qu'on s'est mis à nu, tout ça c'est cru, gratté dans la rue. Hey, gratté dans la rue. Ouais. Non, j'ai pas changé de team, on change pas l'équipe qui gagne. Non. On a fait du bif, on a mis la. Elle est pas. Ah, sale. Hey. Sale. Hey. Sale. Ça fait. EDRF. EDRF. C'est depuis le début qu'on frappe fort. Je vois les gens sauter en concert. J'ai arrêté de faire des efforts. Puis que dans mon dos ça se concerte. Certes on serre les coudes, dans les bons moments comme dans les galères. On est toujours ensemble même si c'est dans la merde. On veut se barrer d'ici, naviguer sur la mer. Je fais mes affaires, l'état veut qu'on la ferme. Je défoncerai trop les portes qui sont fermées. C'est dur à faire mais là j'ai pris du ferme. Sous ton fer et à chaque son j'ai essayé de faire mieux. J'en ai marre d'être trop nerveux. Je veux trouver celle qui pourra me canaliser. Quand j'avais besoin d'aide, ils faisaient canaliser. Même les traîtres et les fausses se sont pas analysés. Motherfucker, ils disaient que je pouvais pas tout niquer. Ils sont gourés sur la ou de la rue, si t'es derrière moi que vous courez. Je rappe ma rage, surtout que je rappe ma guitare la nuit. C'est dur ensemble, qu'on se barre la mise. Des peines par milliers, les pieds éparpillés. J'ai trop la dalle à sa mère, ça je peux pas le nier. EDRF, bang, bang. Nas Pacino, bang, bang, Pacino. Faire du monde, je vois les signes. J'ai presque tous mes sens comme tard de ville. Je tombe dans le vide, à chaque fois je marche, c'est la même série. C'est une belle fille ce soir, sex with Netflix. Je flexine sur ces NEC bitch. On veut ce qu'on l'air au tilt. À sans facturer le nerf optique. Plus rien à dire au petit. Ça veut dire qu'on est dans la pyramide. Bitch calling me. Je suis dans la zone lonely. Suis-moi aussi sur tous les réseaux. Bitch follow me. Je fuck the police. Fucked up dès le morning. C'est la folie. Remonte chargé en bolide. Arrogant comme Broly. Je fume des pois qui sont impolis. Nas Pacino. On va mettre le petit classique pour terminer. Y'a du monde ce soir, hein. Big up à tous les frères. On est ensemble. EDRF. C'est les fronts, on va la fumer. On va la fumer comme il faut, hein. Et j'espère bien. Qu'on avancera dans la bonne direction, y'a pas d'hésitation. Et rien à foutre de toutes vos citations. Faut que j'aille à la station, mais que plein d'essence comme Napalm. Scope le nombre de choses qu'on voulait, mais qu'on a pas. Trop marre des tripes pour un appât. C'est la haine qui m'a rongé. Je vois que mes mains en galère de thunes. Y'a très peu de potes pour t'arranger. La pression d'être un étranger, personne me comprend. Jamais je fermerai ma gueule, juste pour que l'état soit content. J'ai contemplé la haine, j'ai vu mes voix, ça s'est tapé dessus. Les keufs t'as pas 3h du mat, tu veux de l'action, t'es pas déçu. Pas d'excuses, on s'embrouille pour de la merde. On s'embrouille pour un rien, si l'erreur est humaine. Dis-moi pourquoi on se comporte comme des chiens. Je tiens à toute ma vie, mais je sais bien ce qu'elle comporte. Je vois bien que le vendredi soir, c'est dans l'alcool qu'on se conforte. On se réconforte, pas sérieux quand je suis bourré, ça me saoule. Mais parle pas de buzz, moi petit peu, je veux faire bouger la foule. Fritz. Ouais. Dégage ton clef de là. Les mères nous imaginent plus tard au piqué au vin de glace. Ta vie, ta tasse rend floue. Les euros sont rares, les neurones en vrac. Rendre la vision floue. Pourquoi attendre la pancarte? Aux espiègles n'en ont qu'à leur porte-monnaie. Comment porte de l'aide? La rue c'est pas le téléthon. Plus pas plus le temps tarde. Bavarie et conséquente, pense plus aux conséquences. Dormir en séquence, plus savoir qui te fréquente. Comme un roman en terrasse qui ferait la populace. Imaginez l'eau turquoise dans le coin un soir d'hiver. Avoir le droit de réserve, ou dire que tu restes. ça va ni plus ni moins sur ce bout de trottoir. Mes malheurs sont témoins de ça, est-il trop tard? Fuguer faire le mur, puis ne jamais rentrer. Le finish marginal, donc que du bras plus place. Alors, Tinal, ouais, ouais. Dégradé à défaut de pouvoir en face. La garde des BCO, les habits pleins de plus. Ensuite, les cheveux gras. On moisit qu'on se tue, ouais, je m'invente ce cas. Caché au fond de la ZAD, toi, ta vie veut plus toi. Va briller les étoiles, demain, fais tout hasard. Ouais, ouais, Ridou. Reste du temps sur celle-là. Ouais, vas-y. Décollage imminent, j'arrive, je vais tout plier en 2 temps, 3 mouvements. Ouais, c'est marrant pourtant, j'avoue que là, je suis même pas à 10%. Le projet, c'est pour quand? Prends le temps, c'est important. J'attends d'être préparé pour flinguer game à bout portant. J'ai fait mon bonhomme de chemin, lâcher les traîtres, avancer seul. Fais ce qu'il fallait pour être serein, ce qu'il fallait pour fermer des gueules, donc pas de répit. J'ai de l'appétit, je suis comme un joueur entrant. Parce que depuis que je suis tout petit, moi, je vois les choses en grand. Je me mets pas au défi, non, mais méfie, toi, je suis précis quand je sévis. Et mon débit est agressif comme un derby de Séville. Ouais, ah, ouais, ouais. On a grandi dans les rues avec pas grand chose. Et plus j'avance, plus me dis que c'est peut-être pour ça qu'on a jamais notre dose. Toutes ces phases dans ma tête, ça me rend pas rose. Et si on veut des billets verts, c'est parce que la vie n'est pas rose. La vie perd son royaume, la joie perd son arôme. Le temps qui passe emporte tout, laisse seulement des hématomes. Eh, hey, je suis venu pour me faire ma place, pas pour faire plaisir. Sors de nulle part, je viens déranger comme un appel dièse 30 et un dièse. Hey, ouais, c'est ça. Hey. Les frères tapent dans le bâtiment, mais pas ton BTP. Un toque qui a un sachet, rien qui tape un TP. J'suis posé dans le bendo, des charclos, des clandos. Viennent chercher leur dieu gros, ouais la rue c'est pas haut. Ça m'a toqué de faire du rap, ils m'ont dit c'est pas pour toi. Rien à foutre, j'ai pris le mic, la vie cherche chacun pour soi. Ouais. J'ai un seul regret, j'ai fait pleurer ma mère. Maintenant qu'elle est partie, j'suis en perte de repère. À peine majeur à la rue, j'étais plutôt du père. Avec 100 balles pour vivre, j'savais pas comment faire. On s'est ressaisi, on a fait de l'argent. Éviter les d'argent, ouais fallait bien. Les grands de ma ville m'ont dit faut y aller. Charbonne un peu tes textes pour aller les massacrer. Ouais, les feux sont chargés, les punchlines aiguisées. Et j'ai tout mis en œuvre pour sortir des tranchées. Yeah. J'ai pas la haine voir que les années défilent. Tu veux effacer toutes nos peines, mais les marques sont à villes, gouvernées par un débile. C'est toute ma haine que je déballe. J'amène ma fierté, je m'exile, même si les billets s'étalent. Je détaille ma vie, vois un paquet de mecs qui parlent. On a peut-être tous le même bateau, mais moi j'ai pas le même équipage sur les rivages. T'avoue qu'on serait bien tous les deux. Pourquoi je m'endette à rester seul alors que j'ai le bonheur sous les yeux? Je veux réaliser tous mes vœux, rapetenir parmi tant d'autres. Bande de chiennes, ça vient checker en face pour aboyer dans le dos. Ça n'en vaut pas la peine, créer des blèmes, les miens sont déjà existentiels. Pas petit pas, moi c'est au galop que je me remets vite en selle. C'est souvent chaîne, j'attends celle qui pourra me faire un garrot. En manque de mailles, je vendrai pas mes valeurs pour venir gagner le Tao. Oh, quand je parle de faux, sans toi concerné, c'est dur de se dire dans le fond qu'il y a que la fatigue qui arrive à me cerner. On agace, sale gosse, dur d'un jeu. Faut la finir en acapella. Faut okay. La finir en ok, on agace, sale gosse, dur d'inverser le juriste, verser le fumiste au cas où ça gaze. Puris ça ou ça, il daze, ça roule, ça daille, taille sa route. Certains sereins, c'est ce qu'un te la rate, scrutant le temps qui s'arrête, et se plaint qu'il rate, brûlant le peu qu'il en reste. Triste portrait, ouais, t'attends à rien de mirobolant, ivre au volant miraculé, mais trop de balaye si t'es trop près. C'est toi le trompas, je me trompe ou pas, à trop pépant tout part, tu risques d'avoir 2-3 pépins. Hein. Tu te repens pas aux yeux des gens, le pardon est divin, pas la rancune. Je suis perdu dans le divan quand l'écrivain parle à la plume. Dans les ravins, pas de parachute, le poids de nos fautes nous fait béton, douleur à vie un carré de shit, j'fouille dans mon fut, l'eau c'est bélongue, on s'est tous baisé l'ongle, a effrité son capital santé, ça capitule à 60 ans, tes sauces bitures à ta santé, c'est ça qu'on hérite, c'est ça qu'on se lègue, ça qu'on mérite, médite devant la chance, c'est soit tu te lèves, soit tu l'évites. C'est EDRF, EDRF, est-ce que tu peux clore tout ça là? On peut clore ça? Vas-y, comment on va clore ça? Envoie tout. Est-ce que tu veux une petite prod ou N'importe. Comme tu veux. Je te mets la dernière. Fais ton choix comme tu veux. Du old school ou ce que tu veux. Ah, tu me la remets, vas-y, au calme. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Check. Yeah. Et souviens-toi. Et souviens-toi. Yeah. Et souviens-toi. Check. Et souviens-toi, j'ai commencé le peurat, déjà plein d'ambition. J'écrivais pour le bien, même quand le mal m'envoyait en mission. Mais j'ai pas perdu la foi, je combien tout cramé gars. J'oublierai pas les premiers qui faisaient le bal derrière la caméra. J'ai grandi qu'avec mes gars, on était jeunes et on rêvait tellement. J'pensais pas que ces beaux souvenirs nous creuseraient un tel manque. Merde, T'es si dur de voir qu'on a grandi au jour de la moindre erreur. Se payer pour les pauvres, c'est encore pire. Garantie de croire en tes rêves et de manquer de sous pour les réaliser. Petit, tu penses à rien, gros, tu penses qu'à la réalité. Mais j'ai vivé toute la zik avec chacun de mes sens. Rappé aux open mic à peine 15 ans, demande à indécence. Et un an après, je retournais la scène à grand belle. Vivez à fond le moment présent, vous êtes la suite, c'est encore belle. La corbeille, toutes vos critiques, je rentre pas dans vos clichés. Pour le ticket du bonheur, y'a que la musique qui m'attend au guichet. Et mes chers, j'étais trop proche du burn-out. Toucher le bonheur m'effraie pas, mais pour l'instant, j'ai peur de la route malgré les doutes. Je quitterai jamais le son, même si c'est dur des fois. Je vais rendre faire tous mes proches, j'espère qu'ils me diront jamais tu me déçois. T'as fait tellement dur, mon gars, va moi, j'ai osé, j'ai pas lâché, j'ai des points de côté. Si le temps manque, j'ai de quoi t'épauler, même pour tes collections. J'ai boxé dans les murs, boxé dans les murs, j'ai boxé dans les concerts, moi j'ai boxé sans me relâcher. Je veux du concret, les concrets, des connexions, des problèmes, des connexions, des faux cercles devant l'écran, t'es trop bête, devant les grands, les trompettes. Mon gars, va-tu te tromper? Si tu tombes, faut pas t'étonner, t'as la tête qui est bâtonnée, ton peu seul t'as fait du bien. Ok, ce soir c'était EDRF, la 25ème Radio Sud avec tous les refs. Big up à tous les refs. Ce soir c'est EDRF. Big up à tous les refs. Le projet bientôt 101.8 Radio Sud.net, ouais, la 25ème. Big up mon gars, big up, merci. Big up à vous les frères, merci de l'invitation. On arrive fort cette année. C'est juré, on va mettre Besançon sur la carte. Bah bang. Ça arrive, fort EDRF.